Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, livre 3e, comment Dieu a-t-il apparu? Chapitre 2, toute transformation corporelle a pour premier principe la volonté de Dieu. Exemple. Au reste, nous trouvons d'abord dans le changement et le mouvement des corps un certain ordre naturel que nous rapportons sans doute à la volonté de Dieu, mais que nous cessons d'admirer parce que lui-même ne cesse de le reproduire. Je range en cette catégorie les divers phénomènes qui se succèdent rapidement, ou du moins à de courts intervalles, au ciel, sur la terre et sur la mer. Tels sont la naissance et la mort des plantes et des animaux, et l'aspect si varié et si mobile des astres et de l'océan. Mais il est d'autres phénomènes qui sont soumis au même principe d'ordre, et qui néanmoins ne se produisent qu'assez rarement. Le vulgaire s'en étonne, mais les savants les expliquent, et leur successive répétition fait qu'on les admire d'autant moins qu'on les connaît mieux. Tels sont les éclipses, l'apparition des comètes, les tremblements de terre, la naissance des monstres et autres accidents semblables, qui tous arrivent par la seule volonté de Dieu, mais dans lesquels le commun des hommes n'aperçoit pas cette volonté. C'est pourquoi d'orgueilleux philosophes ont bien pu les rapporter à d'autres causes. Quant à leurs théories, quelquefois elles sont vraies, parce que, même à leur insu, elles se rapprochent de cette cause première et souveraine qu'ils ne découvraient pas, et qui n'est autre que la volonté de Dieu, et quelquefois aussi elles sont fausses, parce qu'elles reposent bien plus sur leurs préjugés personnels et leurs erreurs, que sur une étude approfondie des corps et du mouvement. J'explique ma pensée par un exemple, le corps de l'homme nous présente d'abord une certaine masse de chair, et une certaine forme de beauté. Puis il nous offre des membres distincts et coordonnés entre eux, et différentes humeurs dont le juste équilibre constitue l'état de santé. Mais ce corps est régi par une âme qui lui a été adjointe, et qui est doué de raison. En outre, cette âme, quoique soumise au changement, peut entrer en participation de la sagesse immuable et divine. C'est de cette sagesse que le psalmiste a dit, que toutes ses parties sont dans une parfaite union entre elles, parce que les saints, comme autant de pierres vivantes, entrent dans la construction de cette Jérusalem céleste qui est notre mère immortelle. Aussi le psalmiste s'écrit-il, ô Jérusalem, toi qui es bâti comme une ville dont toutes les parties sont dans une parfaite union entre elles. Psaume 121:3. Cette parfaite union désigne ici le bien souverain et immuable, c'est-à-dire Dieu, sa sagesse et sa volonté, et c'est du même Dieu que le même psalmiste a dit dans un autre endroit, Seigneur, vous les changerez, et ils seront changés, mais pour vous, vous êtes éternellement le même. Psaume 101:27-28. Chapitre 3 Continuation du même sujet. Eh bien, supposons maintenant un homme si doué de sagesse et de raison, qu'il entre pour ainsi dire en participation de l'éternelle et immuable vérité. Certes, il consultera cette vérité dans toutes ses actions, et il ne fera rien sans avoir auparavant connu à sa lumière, qu'il peut le faire. Il agira donc toujours avec certitude, parce que toujours il lui sera soumis et obéissant. Je suppose encore que ce même homme, docile aux inspirations de la justice divine qui lui parle au fond du cœur, et qui lui intime ses ordres dans le secret de l'âme, s'applique à des œuvres de miséricorde pénibles et fatigantes, en sorte qu'il y contracte une grave maladie. Alors deux médecins sont appelés, l'un affirme que la maladie a pour cause l'appauvrissement des humeurs, et l'autre, leur trop grande abondance. Le premier dit vrai, et le second se trompe, et toutefois ils ne se prononcent tous deux que d'après les causes, secondes, c'est-à-dire d'après les phénomènes pathologiques. Mais si l'on voulait remonter à la cause première, l'on arriverait à ce travail volontaire imposé par l'âme, qui a douloureusement affecté le corps qu'elle régit. Cependant, ce ne serait pas là, rigoureusement parlant, la cause première de la maladie, car au-dessus nous découvrons l'immuable sagesse de Dieu. Et parce que cet homme a voulu en toute charité suivre les ineffables inspirations de cette sagesse et obéir à ses ordres, il s'est volontairement appliqué au travail où il a pris son mal. Ainsi la cause réellement première de cette maladie est la volonté de Dieu. Je suppose encore dans cette œuvre de charité et de miséricorde notre sage emploi des serviteurs qui, en concourant à cette bonne œuvre, se proposent bien moins de servir Dieu que de s'assurer un gain temporel, ou d'éviter quelques dommages matériels. Bien plus, la nature de son travail exige l'adjonction et le service de plusieurs bêtes de somme. Mais celles-ci étant des animaux sans raison, ne sauraient, en lui prêtant leurs bons offices, avoir la moindre idée du bien auquel elles coopèrent, et elles n'agissent que par l'instinct du plaisir ou la crainte du châtiment. Enfin, ce même homme a besoin, pour achever son œuvre, d'employer des créatures insensibles, comme le blé, le vin, l'huile, la laine, l'argent, le papier et autre chose de ce genre. Certes, dans tout le cours de cet ouvrage, ces diverses créatures, animées ou inanimées, subissent, sous l'influence des lieux, des temps et des circonstances, mille altérations successives. Elles se déplacent, s'usent et se réparent, elles se brisent et se renouvellent. Mais la cause première de tous ces changements et de tous ces mouvements n'est autre que la volonté invisible et immuable du Seigneur. C'est cette sagesse suprême qui, résidant en l'âme de notre juste, comme en son sanctuaire, emploie par son ministère les bons et les méchants, les animaux irraisonnables et les créatures insensibles. Mais elle n'agit ainsi que parce qu'antérieurement elle s'est rendue maîtresse de cette âme bonne et sainte en la soumettant au joug de la piété et de la religion. Chapitre 4 – Empire souverain de Dieu sur toute créature. Cette parabole, où je fais agir un sage qui porte encore le poids d'un corps mortel, et qui ne voit encore qu'imparfaitement l'éternelle vérité, peut également s'appliquer à une famille dont tous les membres seraient vraiment chrétiens, et à une ville, à un état où le pouvoir et la direction des affaires seraient confiés à des hommes pieux, saints et soumis à Dieu. Mais une si belle organisation ne se rencontre point ici-bas, car sur cette terre d'exil nous sommes soumis à l'épreuve et à la mort. Et nous devons par la patience et la douceur vaincre le mal et surmonter l'affliction. Aussi nos pensées s'élèvent d'elles-mêmes vers cette patrie supérieure et céleste dont nous sommes éloignés. C'est là, en effet, que réside dans toute sa plénitude cette volonté du Seigneur qui rend ses anges aussi légers que les vents, et ses ministres aussi ardents que les flammes. Psaume 103, 4. Unis entre eux par les liens intimes de la paix et de la charité, ces esprits célestes n'ont qu'une seule et même volonté, en sorte que le feu de l'amour divin transforme leurs cœurs en un seul cœur. Mais ce cœur est le trône sublime, saint et mystérieux, où la volonté du Seigneur siège comme dans son temple et son sanctuaire, et d'où elle meut dans tout l'univers, et avec un ordre et une sagesse suprême, l'ensemble des créatures, tant les esprits que les corps. Elle les dirige toutes vers l'accomplissement de ses immuables décrets, et sait employer également les êtres spirituels et corporels, les animaux irraisonnables et les justes comme les impies. Seulement il conduit les premiers par sa grâce et contraint les autres par son autorité. Mais de même que dans l'ordre physique les corps lourds et inférieurs reçoivent l'influence des corps plus légers et supérieurs, ainsi dans l'ordre moral tous les corps obéissent à l'action de l'esprit de vie. Dans l'animal irraisonnable, cet esprit de vie est soumis à celui de l'homme doué de raison. Et dans l'homme, qui par le péché s'est éloigné de Dieu, ce même esprit de vie est dirigé selon l'avantage des justes et des élus. Enfin, ceux-ci n'agissent eux-mêmes que sous la dépendance de Dieu. Il nous est donc facile de comprendre comment toutes les créatures obéissent en dernier ressort au Dieu qui leur a donné l'être, qui les a créés pour lui. Ainsi la volonté de Dieu est la cause première et souveraine de toutes les formes que revêtent les créatures corporelles, et de tous les mouvements qu'elles reçoivent. Et, en effet, l'ensemble de la création peut être considéré comme un état vaste et immense, où il ne se produit aucun mouvement visible et sensible, sans que l'impulsion première ne parte du palais secret et invisible du maître et du souverain. Car c'est toujours lui qui tantôt commande et tantôt permet, selon que les arrêts de sa suprême justice, distribue les récompenses et les châtiments, les grâces et les faveurs. L'apôtre saint Paul, courbé sous le poids d'un corps qui se corrompt et appesantit l'âme, ne voyait encore l'éternelle vérité qu'en partie et comme sous des images obscures. Aussi désirait-il d'être dégagé des liens du corps et d'être avec Jésus-Christ. Et, gémissant en lui-même, il vivait dans l'attente de l'adoption des enfants de Dieu, qui sera la délivrance de nos corps. Romains 8, 23. Toutefois il a bien pu prêcher Jésus-Christ tantôt de vive voix, ou par écrit, et tantôt par le sacrement de son corps et de son sang. Mais ici ces mots, sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ, ne signifient sous ma plume ni la parole de l'apôtre, ni la langue qui était l'instrument de cette parole. L'on ne doit point également les entendre du papier ou de l'encre qui lui servait pour écrire, ni des livres qu'il prit Timothée de lui rapporter. Je veux expressément marquer le pain et le vin qui sont des fruits de la terre, et que nous prenons comme nourriture spirituelle de nos âmes, après que la prière du prêtre les a mystiquement consacrés en souvenir de la passion du Sauveur Jésus. Quand l'action de l'homme agit sur ces espèces visibles, elle n'en fait le sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ que par l'opération invisible de l'Esprit-Saint. Car tout ce que l'homme fait au dehors dans cet ineffable mystère, c'est Dieu qui l'opère secrètement. Le premier il meut par des ressorts cachés soit l'âme de l'homme, soit la volonté et l'obéissance des esprits invisibles. Est-il donc étonnant que ce même Dieu emploie à son gré, pour manifester sa présence, les créatures corporelles et sensibles dont il a peuplé le ciel et la terre, la mer et les airs? Mais quant à son essence, nous ne saurions jamais la voir, parce qu'elle est souverainement immuable, et qu'aucun esprit créé ne peut en sonder les impénétrables mystères. Chapitre 5 Caractère du miracle. C'est par l'action de cette providence qui gouverne le monde des esprits et des corps, que les eaux de la mer se condensent en vapeur, et à certaines époques fixes de l'année, se répandent sur la surface de la terre. Mais la prière du saint prophète Élie frappa la Judée d'une si longue et si continue stérilité, que les hommes mouraient de faim et de soif. Et lorsque ce serviteur de Dieu pria de nouveau pour obtenir la cessation de ce fléau, l'atmosphère ne paraissait point humide, et l'on n'apercevait à l'horizon aucun signe d'une pluie prochaine. C'est pourquoi la puissance du Seigneur se montra visiblement dans la pluie qui soudain tomba par torrent, et ce fut un évident miracle. Ainsi encore Dieu nous est comme accoutumés à voir briller les éclairs, et entendre gronder la foudre, mais sur le mont Sinaï tout s'accomplissait d'une manière inusitée. Les roulements du tonnerre ne se répétaient point confusément, et l'on eût dit qu'ils obéissaient à un signal donné. Aussi était-ce un vrai miracle. Qui fait monter l'humidité du sol, de la racine de la vigne jusqu'à la grappe du raisin, et qui la transforme en un vin délicieux, si ce n'est le Dieu dont saint Paul a dit, que l'homme plante et arrose, mais que le Seigneur seul donne l'accroissement. 1 Corinthiens 3, 7. Toutefois, lorsque la volonté du Sauveur Jésus changea avec une étonnante rapidité l'eau en vin, tous, et les plus incrédules eux-mêmes, y reconnurent l'œuvre de la puissance divine. N'est-ce pas Dieu qui dans le cours ordinaire de la nature revêt les arbres de feuilles et de fleurs? Et toutefois, lorsque la verge d'Aaron fleurit miraculeusement, ne peut-on pas dire que la volonté du Seigneur parla au doute de l'homme? L'accroissement des végétaux et la reproduction des animaux sont également dus à la force productrice de la matière. Mais qui a donné à la terre cette force, si ce n'est le Dieu qui au commencement lui commanda de produire les plantes et les animaux, et qui par cette parole créatrice en régla l'ordre, l'économie et la conservation? Aussi, quand le Seigneur changea en serpent la verge de Moïse, ce fut un miracle, parce que cette verge, quoique susceptible en elle-même de transformation, parut d'une manière subite et inaccoutumée, changée en serpent. Or, celui qui donne la vie à tout être qui vient au monde, est le même Dieu qui montra sa puissance en communiquant à ce serpent une éphémère existence. Chapitre 6, même sujet. Lorsqu'à la voix d'Ézéchiel les morts reprirent la vie, qui anima de nouveau ses cadavres? Ce fut celui qui chaque jour anime l'enfant dans le sein de sa mère, et qui l'amène à l'existence pour le conduire plus tard au tombeau. Mais parce que ce double phénomène de la naissance et de la mort se produit régulièrement, et que semblable à un fleuve qui nous cache sa source et son embouchure, il ne laisse apercevoir que son cours, les hommes le considèrent comme un effet purement naturel. Quand il arrive, au contraire que Dieu, pour nous donner un salutaire avertissement, dérange cet ordre, nous crions au miracle. Chapitre 7, le miracle et la magie. Mais ici se présente une difficulté qui peut paraître grave à un esprit faible et borné. Pourquoi l'art de la magie reproduit-il ces mêmes miracles? L'Écriture nous apprend, en effet, que les magiciens de Pharaon imitèrent quelques-uns des prodiges qu'avait fait Moïse, et spécialement qu'ils changèrent leur verge en serpent. Mais comment expliquer que ce pouvoir des magiciens, qui avait pu produire des serpents, se soit subitement arrêté devant un insecte aussi petit que la mouche? Car le moucheron n'est qu'une très petite espèce de mouche, et ce fut la troisième plaie qui frappa les superbes Égyptiens. Mais alors les magiciens s'avouèrent vaincus, et ils s'écrièrent « Le doigt de Dieu est là !» Exode 7, 8. Il nous est ainsi facile de comprendre que si les anges rebelles, que l'apôtre nomme les puissances de l'air, peuvent du sein des ténébreux cachots, où ils ont été précipités des hauteurs célestes, opérer par la magie quelque prestige, ils ne le peuvent que dans l'étendue de la permission qu'ils en reçoivent de Dieu. Or, le Seigneur leur donna alors cette latitude, soit pour permettre que les Égyptiens s'affermissent dans leurs erreurs, soit pour préparer le triomphe de la vérité en la personne des magiciens, qui s'étaient tout d'abord attirés par leur prestige l'admiration générale. Mais on peut encore dire qu'en nous attestant ces opérations magiques, l'Écriture veut nous faire comprendre que les fidèles ne doivent point désirer beaucoup le don des miracles. Elle veut aussi nous rappeler que ces mêmes prestiges sont à l'égard des justes un exercice pour leur vertu, et une épreuve de leur patience. Ce fut, en effet, par suite de cette grande puissance du démon sur les éléments et sur les hommes, que Job perdit tous ses biens et ses enfants, et qu'il fut frappé en son corps d'une plaie affreuse. Chapitre 8. À Dieu seul le pouvoir de créer. Ce serait néanmoins une grave erreur que de penser que les anges rebelles peuvent commander en maître aux créatures matérielles et sensibles. En réalité, ces créatures n'obéissent qu'à Dieu, puisque lui seul permet aux démons de s'en servir selon les arrêts de sa souveraine justice et de son immuable équité. C'est ainsi que par l'emploi de l'argent les impies et les réprouvés semblent user à leur gré de l'eau, du feu et de la terre. Et toutefois ils n'en usent que dans les limites que Dieu leur a tracées. On ne saurait donc attribuer aux mauvais anges un pouvoir vraiment créateur, parce qu'ils firent que les magiciens de Pharaon résistèrent aux serviteurs du vrai Dieu, et qu'ils produisirent également des serpents et des grenouilles, car ils ne les créèrent point. Et, en effet, les germes de tous les corps qui existent reposent paisibles et inaperçus dans les divers éléments de l'univers. Notre œil, il est vrai, peut en découvrir quelques-uns dans la fructification des plantes et la reproduction des animaux. Mais tous les autres nous sont entièrement inconnus et se rapportent à l'acte premier de la création. Aussi est-il dit dans la Genèse que Dieu ordonna d'abord aux eaux de produire les poissons qui nagent, et les oiseaux qui volent, et puis à la terre d'enfanter les animaux, chacun selon son espèce, de même qu'elle avait précédemment produit les plantes, chacune selon son genre. Genèse 1, 20 à 25. Au reste, cette puissance de fécondité, qui fut alors communiquée à l'eau et à la terre, ne s'épuisa point en ses productions premières. Elle la conserve toujours. Seulement le milieu propre à favoriser en elle de nouvelles générations, leur fait souvent défaut. Un sarment, par exemple, produit un cep de vigne, lorsqu'il est planté dans un terrain convenable. Mais ce sarment lui-même provient d'un pépin qui contient en germe un cep nouveau. Jusque-là, nous pouvons saisir le phénomène de la reproduction. Mais voyons-nous ensuite analyser ce pépin, nous serons forcés d'y reconnaître une fécondité réelle, quoique si bien cachée qu'elle échappe à toutes nos observations. Et, en effet, sans cette fécondité inhérente et absolue, comment la terre produirait-elle 1000 plantes dont les graines n'ont point été semées? Comment encore la terre et l'eau enfanteraient-elles en dehors de tout accouplement des sexes tant d'animaux, dont la génération spontanée est contraire à toutes les lois connues, et qui néanmoins naissent, croissent et se multiplient? On peut citer en preuve la fécondation des abeilles qui recueillent sur les fleurs la poussière séminale. Or, celui qui a créé cette poussière est le Dieu qui a créé tout ce qui existe, et tous les êtres qui naissent sous nos yeux, reçoivent de cette fécondité première que possèdent les éléments, le germe et le développement de leur existence. Aussi les progrès de leur accroissement, et la variété de leurs formes sont-ils subordonnés aux règles de leur primitive génération. C'est pourquoi nous ne disons point que le père et la mère soient les créateurs de leurs enfants, ni que les laboureurs soient les créateurs de leurs moissons, quoiqu'au dehors Dieu emploie leur intermédiaire pour opérer en secret par sa propre puissance la naissance de l'enfant et la production des moissons. Et de même, nous ne pouvons considérer comme vraiment créateur, ni les bons anges, ni les mauvais, lorsque, connaissant en raison de la subtilité de leur intelligence et de leur corps, les germes cachés des êtres, ils les disséminent secrètement dans les milieux qui leur conviennent, et en favorisent ainsi le rapide développement. Mais ici encore les bons anges ne font le bien que selon les ordres du Seigneur, et les mauvais n'opèrent le mal que selon la juste permission qu'il leur en donne. Car si le démon a par lui-même la volonté de faire le mal, Dieu ne lui accorde que pour des raisons justes et équitables le pouvoir de le faire. Or, ces raisons sont de la part du Seigneur, tantôt de châtier le démon ou le pécheur, et tantôt de punir l'impie et de glorifier le juste. C'est pourquoi l'apôtre saint Paul, séparant l'action intérieure et secrète de Dieu de l'action extérieure et visible de la créature, dit par analogie avec les travaux de l'agriculture, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » 1 Corinthiens 3, 6. Ainsi encore dans l'homme, Dieu seul peut justifier l'âme, tandis que la prédication extérieure de l'Évangile peut être le fait d'un vrai zèle, ou même par occasion d'une jalouse rivalité. Et de même, le Seigneur opère secrètement la création des êtres visibles, et dirige l'action extérieure des anges bons ou mauvais, des justes et des pécheurs, et tous les animaux selon les décrets de sa sagesse, la mesure des forces qu'il a départies à chacun, et l'opportunité des circonstances. En un mot, il agit sur la nature par la création, comme l'homme agit sur la terre par l'agriculture. D'où il suit qu'à l'aide de leurs opérations magiques les mauvais anges ne peuvent pas plus être considérés comme les créateurs des grenouilles et des serpents que les hommes pervers ne le sont des moissons dues à leurs travaux. Jacob avait placé des branches de couleur, variées dans les canaux où ses brebis venaient boire, afin qu'elles conçussent en les regardant, et néanmoins l'on ne peut dire qu'il crée en elle la variété des toisons. Bien plus, ni les brebis, ni les béliers ne furent par rapport à leurs agneaux les créateurs de cette variété. Seulement l'impression qui se fit en eux par la vue de ces diverses baguettes réagit nécessairement sur les fruits de leur reproduction, en sorte que les agneaux de la première saison étaient seuls marqués de différentes couleurs. Ce phénomène peut sans doute s'expliquer par la double réaction du cerveau sur les organes, et des organes sur le cerveau, mais en dernière analyse il faut y reconnaître l'acte et la disposition de cette sagesse souveraine et éternelle, qui, par son immensité remplit tous les lieux, et qui, immuable en son essence, n'abandonne aucun des êtres soumis au changement, parce qu'elle les a tous créés. Que les brebis de Jacob produisissent des agneaux et non des verges, ce fut le fait de cette sagesse immuable et cachée qui a créé toute chose. Mais que la variété des verges influa sur la couleur des agneaux, ce fut au dehors le résultat de l'impression que produisit sur le cerveau des brebis la vue de ces verges. Et au-dedans ce fut la conséquence du mode de conception qu'elles ont reçu de la puissance intime du Créateur. Au reste, il serait trop long et peu nécessaire d'expliquer ici comment dans la mère les sensations du cerveau modifient la forme du fœtus, et il suffit de dire qu'on ne saurait affirmer qu'elle crée le corps de son enfant. Et en effet, l'origine première de tout être sensible est corporelle, non moins que le mode, la raison et la disposition qui le tire du néant, et le revêtent de tel caractère plutôt que de tel autre. Dérive de l'être suprême qui est par essence la vie intelligente et incommunicable. Cet être premier et souverain domine tous les êtres, et il les soumet tous, même les plus petits et les plus obscurs, à l'action de ses lois. Je n'ai donc rappelé le fait des troupeaux de Jacob que pour avoir occasion de dire que, malgré l'industrie avec laquelle il disposa ses baguettes, il ne fut point à l'égard des agneaux, ni des chevreaux, le créateur des variétés de leur toison. On ne peut non plus le dire des mères qui agirent seulement selon les lois de la nature, en maculant leurs fruits des taches dont leurs yeux avaient été constamment frappés. Mais surtout, nous sommes bien moins encore autorisés à soutenir que les mauvais anges créèrent les serpents et les grenouilles que firent paraître les magiciens de Pharaon. Chapitre 9. Toutes les causes ont leur principe en Dieu. Et en effet, autre est le pouvoir de créer et de régir une créature quelconque, comme cause première et efficace de toute existence. Or, ce pouvoir n'appartient qu'au Dieu qui a créé toute chose. Et autre est la faculté d'agir au dehors dans la limite des forces et des moyens qu'il nous donne, en sorte que nous fassions à notre gré paraître ou disparaître cet être que le Seigneur aura créé et que nous en changions la forme et les qualités. Et en effet, cet être existe originairement et primitivement dans l'ensemble des éléments, et il lui suffit de rencontrer un milieu favorable pour qu'il se produise soudain. Ne disons-nous pas qu'une mère est enceinte de son enfant? Et de même, l'univers est plein d'embryons qui ne demandent qu'à se développer, et dont la création est l'œuvre de cette essence suprême sans laquelle rien ne saurait ni naître, ni mourir, ni venir à l'existence, ni disparaître. Mais il faut raisonner autrement de l'emploi extérieur des causes secondes. Quoique souvent miraculeuses, elles n'en suivent pas moins les lois de la nature, en ce sens qu'elles favorisent le développement rapide et soudain de certains êtres qui reposaient cachés et inconnus dans le sein de la nature. Or, nous disons que ces êtres sont créés, parce qu'ils s'épanouissent au dehors par l'extension des forces vitales que leur a secrètement distribuées avec poids, nombre et mesure, celui qui dispose de toutes choses avec sagesse, justice et équité. Au reste, un tel emploi des causes, secondes peut appartenir aux mauvais anges, et aux pécheurs, ainsi que je l'ai prouvé par l'exemple de l'agriculture. Quant aux animaux, il nous semblerait tout d'abord assez difficile d'expliquer comment ils recherchent instinctivement ce qui peut leur plaire, et évitent ce qui peut leur déplaire. Mais combien de savants ont étudié cette question, et peuvent nous dire quelles plantes, quelles viandes, quelles combinaisons, et quelles affinités ou répulsions des fluides et des éléments donnent naissance aux animaux? Et néanmoins, qui a jamais considéré ces savants comme les créateurs du règne animal? Au reste, si l'homme, même le plus impie, peut expliquer la formation des vers et des mouches, est-il étonnant que les mauvais anges aient connu, en raison de la subtilité de leur esprit, en quels lieux et en quels éléments reposaient les embryons des grenouilles et des serpents? Ce sont ces embryons qu'ils placèrent, il est vrai, dans des conditions si favorables qu'ils en accélérèrent le développement, mais en réalité, ils ne les créèrent pas. Toutefois, cette œuvre parut un véritable prodige, parce qu'elle était extraordinaire, car nous n'admirons point ce que nous faisons habituellement. Peut-être aussi vous étonnerez-vous d'un développement si prompt, et de ces éclosions spontanées. Mais observez que même avec des moyens purement humains, nous obtenons de semblables résultats. D'où vient, en effet, que les vers s'engendrent plus facilement dans les cadavres l'été que l'hiver, et à une température chaude qu'à une exposition froide. Mais ici, la puissance de l'homme est d'autant plus faible que son intelligence est moins étendue, et que l'engourdissement de ses membres se prête plus difficilement au rapide mouvement des corps. Au contraire, plus il est facile aux anges, bons ou mauvais, d'agir sur les éléments et les causes secondes, plus aussi la célérité de leurs opérations nous paraît merveilleuse. Cependant, le seul et unique Créateur est le Dieu qui forme le germe de tous ces différents êtres, et qui ne partage avec personne sa puissance créatrice. Car c'est en lui seul que repose dès le commencement l'ordre de la création, la sagesse de ses plans et l'équilibre de ses forces. C'est encore lui seul qui veut bien communiquer aux anges quelque extension de son ineffable pouvoir, en sorte qu'ils ne font que ce qu'il daigne leur permettre de faire, et qu'ils deviennent impuissants, dès qu'il leur retire cette permission. Comment, en effet, expliquer autrement, que les magiciens de Pharaon aient pu rassembler des moucherons, après avoir produit des grenouilles et des serpents? Certes, il faut ici reconnaître la défense absolue de Dieu et l'action immédiate de l'Esprit Saint. Au reste, ils l'avouèrent eux-mêmes, quand ils dirent « Le doigt de Dieu est là » Exode 7, 12. Mais que peuvent faire les anges en vertu même de leur nature? De quoi sont-ils incapables sans une permission expresse, et quelles opérations sont incompatibles avec leur condition d'être spirituel? Ce sont autant de questions qu'il est impossible à l'homme de résoudre, à moins qu'il n'ait reçu de Dieu ce don spécial que l'apôtre nomme le discernement des esprits. 1 Corinthiens 12, 10. Nous savons en effet que l'homme possède la faculté de marcher, et qu'on peut lui en ôter l'exercice, mais nous n'ignorons point qu'il ne pourrait voler, quand même on lui en donnerait la permission. Et de même les anges inférieurs peuvent faire certaines choses, si Dieu le leur permet par l'intermédiaire des anges supérieurs, et ils ne peuvent en faire quelques autres, même avec l'autorisation de ceux-ci, parce que le Seigneur a voulu limiter l'exercice de leur puissance. C'est que souvent il ne permet pas aux esprits angéliques de faire tout ce qui serait dans le droit et les attributions de leur nature. Au reste, nous devons reconnaître l'action des anges dans les divers phénomènes qui accompagnent ordinairement le cours des saisons et l'ordre de la nature. Tels sont le lever et le coucher des astres, la naissance et la mort des hommes et des animaux, la reproduction si variée des plantes et des arbres, les nuées et les nuages, la neige et la pluie, la foudre et le tonnerre, les éclairs et la grêle, le vent et le feu, le froid et le chaud. Tels sont encore quelques autres phénomènes qui ne se montrent que plus rarement, comme les éclipses, les comètes, les tremblements de terre, la naissance des monstres, et autres prodiges de ce genre. J'observe néanmoins que la cause première et souveraine de tous ces phénomènes est la volonté de Dieu. Aussi le psalmiste, après en avoir énuméré plusieurs, le feu, la grêle, la neige, la gelée et le souffle des tempêtes, a-t-il soin d'ajouter qu'ils obéissent à la parole du Seigneur? Psaume 148, 8. Il prévient ainsi l'erreur de ceux qui, en dehors de la volonté divine, les attribueraient soit au hasard, soit à des causes purement physiques, ou même à l'action unique des anges. Markendanarchive.org, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.